il a longtemps sur des guitares. Des mains noires lui donnaient le jus pour sentir les peines et les espoirs, pour sentir Dieu et puis l'amour. Mais la musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime. Je l'aime, hey, hey, je le chanterai toujours.